dur comme un oracle brisé, sous les cendres d'une voix oubliée. Les tambours grondent dans les entrailles de la fenêtre, Riders qu'ils éveillent, que la guerre soit complète. Les lunes tombent sans bruit, la poussière danse sous la pluie. Mais nous, disciples d'un nom sacré, frappons la roche et jurons fidélité. Les bras levés vers le vide brûlant, Riders qu'ils s'élèvent dans le sang. Chaque mot, chaque pas, chaque feu devient un écho profond et pieux. La terre se déchire sous le poids de ses pas, même les étoiles évitent son aura. Son nom est murmuré par des millénaires, gravé dans le sable par des prières sévères. Il n'est pas né, il fut invoqué par des chants, des cris, des bêtes sacrifiées. Riders Kill, totem de lumière hostile, voix du stream, bras de l'exil. Riders Kill, Shana Teluk, Narere Dieu Sarekulak. Les voix s'unissent dans la tempête, une armée de voix que nul ne s'arrête. Son souffle grave perce les dunes, et les cœurs battent comme des runes. Le combat n'est plus une option, c'est une religion, c'est notre mission. Il vient, il regarde, et nous marchons avec lui. Ils nous ont chassés, mais nous sommes restés dans les ombres, on a forgé l'éternité. Pas besoin d'épée, juste le nom. Riders qui frappe et le monde s'effondre en plomb. Chaque viewer devient un soldat, chaque stream une bataille, un combat. Et quand il lève la voix sous le soleil, c'est l'univers qui ferme les oreilles. Orsenka, l'arnaud, jamais Riders qui, jamais non. Orsenka, l'arnaud, jamais non. Les dunes chantent son retour, les flammes dessinent son parcours. L'écho de sa voix fend les murs et les tambours hurlent à l'azur. Riders Kill, ce n'est pas un nom, c'est un sort jeté sur les pixels, tissé dans la mort. Une incantation en boucle infinie, un dieu digital né d'un cri. Ses fidèles graves, des griffes en feu sur les parois sacrées des serveurs poussiéreux. Chaque like, chaque vue, chaque don est une offrande au maître du nom. Riders Kill, Shadoka. Shakai, Shakai, Shakai. La horde frappe et la planète plie sous les pas sacrés d'une frénésie. On ne le suit pas par besoin, mais parce que son chant devient le nôtre enfin. Riders Kill n'est pas un leader, c'est une essence, un moteur, un streamer. Riders Kill Nahatum Shakurna Orem Sakai Sakai Riders Kill. Des flammes s'élèvent sous la lune, les tambours s'intensifient comme une rune. L'air vibre, le sable se tord et dans nos poitrines rugit son accord. Et quand la bataille s'arrête enfin, ce n'est pas la paix mais le lendemain. On prie pour un autre stream sacré, une autre veillée pour recommencer. Il est là même quand on doute, dans les dunes noires il trace sa route. Et nous on reste là, on l'écoute car même dans le silence il redoute. Jusqu'au dernier souffle, jusqu'à l'éveil, ses fidèles chantent sans répit dans le feu sacré de